Il y a 2 semaines, Johan nous a expliqué comment on mesurait les distances quand on n'était pas trop loin de la Terre. Pas trop loin étant à un parsec, quoi, c'est-à-dire 5 années-lumière, grosso modo. Cette semaine, il va finir le boulot en nous racontant comment on mesure les distances plus longues et surtout en nous disant où on est vraiment au sein de l'univers tout entier. Nous sommes le 17 novembre 2015 et c'est l'épisode 239. Bienvenue! Bonsoir à tous, et donc voilà, nous sommes pour la deuxième partie de l'épisode de Johan, et cette fois-ci autour de table on a Johan bien sûr pour son dossier, salut Johan. Salut. Et surtout on a Robin qui nous a rejoint, salut Robin. Salut. Pour poser toutes les questions de physique que Robin a envie de poser sans pouvoir se retenir, on doit avoir Julie qui est pas loin, je sais pas si elle est arrivée en fait dans la chatroom parce qu'elle devait être là mais je l'ai toujours pas vue. Et sinon, on a notre pouillot national, on a les live mappers qui live map à fond. Et voilà, tout le monde est prêt. Au sommaire de l'émission de ce soir, grosso modo, c'est une émission de type dossier. Donc on a un dossier, la deuxième partie du dossier de Johan sur où sommes-nous dans l'univers tout entier. Hein. C'est un peu comme l'Internet mondial, c'est l'univers universel. Et un pitch, une côte, et puis ce sera tout. Johan, c'est à toi. Alors, juste au début, tu as dit dans le truc qu'un parsec, c'était 5 années-lumière. Un parsec, c'est 3 années-lumière. Mais voilà. Ok, j'ai mal écouté il y a 2 semaines, désolé. Oh, j'étais pas loin en ordre de grandeur, quoi. Je croyais que c'était 4, en fait, et j'ai arrondi à 5. Je suis un sale matheux, d'accord. En ce cas-là, arrondi à 1, quoi. ok, donc la deuxième partie du dossier, alors... La coupure, donc il y avait un truc aussi que je voulais placer, j'aurais dû le mettre la semaine dernière, mais ça faisait vraiment trop long, trop disproportionné, donc je le fais cette semaine. On n'a pas du tout parlé de vitesse là pour les étoiles. Quelles sont donc les vitesses des étoiles autour de nous? Donc on va devoir séparer la vitesse perpendiculaire à nous, donc dans le plan du ciel, quoi, et la vitesse dans notre direction. La vitesse en fait perpendiculaire à nous, c'est-à-dire dans les directions gauche, droite, haut, bas, quand vous regardez une étoile, quoi. Et ça, il suffit de les regarder pendant très longtemps, et si vous les voyez bouger, et de dire de combien elles ont bougé en un an exactement, c'est-à-dire au bout d'un an exactement, le 21 juin, puis le 21 juin de l'année d'après, normalement la Terre n'a pas bougé, donc ça veut dire que si l'étoile a bougé, ça veut dire que là, c'est le mouvement propre de l'étoile. Mais donc ça va vous donner un mouvement dans le ciel qui n'est pas dû à celui de la Terre. Si vous connaissez leur distance, encore une fois, vous pouvez déduire donc en quelle distance physique, en combien de kilomètres, en combien de elles ont bougé donc pendant un an. Et donc vous pouvez en déduire leur vitesse, le nombre de kilomètres par an. Par exemple, l'étoile de Banach, qui est l'étoile la plus proche du Soleil après les 3 étoiles du système Alpha Centauri. Elle bouge à une vitesse de 90 km par seconde en vitesse transverse. Donc 90 km par seconde, c'est plutôt beaucoup plus, encore une fois, je vous ai dit, plus bas que ce que vous avez sur la Terre autour du Soleil, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Je vais rappeler les chiffres que j'avais dit, oui. Après, je rappelle les chiffres que j'avais dit il y a 2 semaines sur les vitesses dans le système solaire. Mais encore une fois, donc, si vous n'avez pas la distance de l'étoile, vous pouvez mesurer la vitesse apparente de combien elle se déplace dans le ciel, mais pas sa vraie vitesse, pas la vraie distance qu'elle fait pendant un an. Qu'en est-elle de la vitesse dans votre direction? Par définition, l'étoile ne bouge pas dans cette direction-là, vous ne la voyez pas bouger parce qu'elle se rapproche de vous, donc ça veut dire que vous devez utiliser un autre truc. Mais en fait, pour ça, on va utiliser l'effet Doppler, qui est le même que pour les radars, qui mesurent la vitesse de votre voiture par un radar. L'effet Doppler, en fait, c'est le décalage de fréquence d'une onde, qui peut être une onde mécanique, acoustique, électromagnétique, observée entre les mesures à l'émission et à la réception, lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur varie au cours du temps. En gros, c'est l'ambulance, lorsque vous l'entendez passer près de vous, le son change, parce que sa vitesse dans votre direction est non nulle. Donc ça veut dire que, en fonction de combien est cette vitesse, en fonction si l'ambulance arrive est loin, la majorité de sa vitesse est vers vous, et si l'ambulance passe à côté de vous dans la rue, la vitesse vers vous est nulle, Et donc, le son est différent entre ces deux mamans, et ça, c'est l'effet Doppler. Et donc, en calculant de combien, donc là, on va utiliser plutôt une onde. Donc là, l'ambulance, c'est une onde sonore, mais là, on va utiliser une onde lumineuse pour les étoiles. Et donc, vous observez le spectre. Vous savez que sur Terre, par exemple, l'arrêt du je sais pas quoi, l'arrêt de l'oxygène, par exemple, dans votre spectre lumineux, se trouve à la position A. Et là, en fait, elle se trouve à A plus 1% ou A moins 1%. Et du coup, en fonction de ce décalage-là, vous pouvez en déduire la vitesse de l'astre immédiatement de votre direction. Donc, toujours pour l'étoile de Banach, je ne crois pas que ce soit le même Banach que le mathématicien, d'ailleurs, pour les matheux. On en déduit une vitesse dans notre direction de 111 km par seconde. Du coup, au total, la vitesse de l'étoile de Banach est de 142 km par seconde. Et donc par rapport à la vitesse, j'avais dit une connerie parce que c'était la vitesse de la Terre par rapport au Soleil, donc de rotation, c'était de 30 km par seconde. Donc on est déjà beaucoup plus haut, donc on est voilà. Et ça, c'est juste donc une des étoiles les plus proches. J'ai trouvé celle que j'ai trouvée dans les mesures que j'ai trouvées sur Internet. C'est une des étoiles les plus proches. L'étoile qui a la vitesse la plus rapide à ce jour connue, c'est Wolf 424 qui se déplace à 555 km par seconde par rapport au Soleil. Donc c'est pour vous donner une idée des vitesses. Donc voilà. Donc vous avez une idée d'à peu près comment c'est les environs du système solaire autour de nous. Et donc maintenant, on va passer à la Voie lactée tout entière. Zeus, qui voulait rendre son fils Héraclès immortel, et parce qu'en fait, il l'avait eu avec une de ses nombreuses relations adultères avec une mortelle, Alcmène. Et du coup, en fait, il a essayé en douce de lui faire téter le sein de Héra, donc sa vraie femme, sa régulière, pendant qu'elle dormait. Sans qu'elle s'en rende compte, parce que son lait aurait rendu donc Héraclès immortel. Et en fait, donc, celle-ci se réveille et comprend que son mari la prend pour une conne et une station-service. Et donc, elle essaye alors d'arracher le bébé à son sein. Et ce faisant, elle laisse s'échapper une giclée de lait qui se répand dans le ciel. Donc voilà encore une cosmogonie qui vous donne donc l'existence de la Voie galactée. Et donc, cette cosmogonie explique aussi l'étymologie, donc la Voie lactée. Et en fait, pendant qu'on est dans l'étymologie, devinez comment on dit Voie lactée en grec. Et ben on dit galaxias, qui a donné galaxie. Donc c'est pour ça que c'est l'été. Donc maintenant, on a à peu près, on voit une position, une vitesse pour avec donc les satellites Hipparcos, etc. Pour environ 1% des étoiles de notre galaxie. Ça sera pour comment il s'appelle. Gaïa, donc d'ici quelques années. Donc il va falloir trouver d'autres méthodes pour aller plus loin dans la galaxie, pour aller en dehors de la galaxie aussi, pour trouver des vitesses, parce qu'encore une fois, la parallaxe ne suffit plus à ce moment-là. Même avec les meilleurs instruments possibles, enfin actuellement, vous ne voyez pas bouger ces étoiles en un an. Donc vous ne pouvez pas calculer leur distance par cette méthode-là. Donc, Arlo Chapli, en étudiant les hausses de densité locale d'étoiles dans la galaxie, il a pu déterminer en 1918 la position du centre de la galaxie, en déduire la taille approximative de la galaxie pour la première fois. Et il a étudié les différentes rotations des étoiles, donc les distances et les vitesses des étoiles qui étaient proches de nous, et leur relation par rapport au centre qu'il avait calculé, donc en regardant le maximum de densité en gros des étoiles qu'il avait dans le ciel. Et il a pu en déduire en fait que, enfin plutôt d'autres en fait, ont pu en déduire que la vitesse était en gros spirale, et en utilisant donc des parallaxes pré-Hipparcos, donc avant le satellite 89, dont j'ai parlé la semaine dernière, on a pu commencer à deviner un bras, puis deux, puis trois dans les années 50. Donc là, c'est encore une fois, voilà, en utilisant ces mesures de distance de parallaxe, on a pu commencer à avoir une 3D en fait, de la galaxie. Cette galaxie était plus juste collée sur le ciel, mais on prenait une profondeur. En comparant avec d'autres images de galaxies qu'on avait, on a réussi à achever de se convaincre que nous sommes dans une galaxie spirale. Et donc, la galaxie fait environ 30 kiloparsecs, donc 30 000 parsecs. Donc, le Soleil se trouve, lui, à 8,6 milliers de parsecs du centre. Donc, en gros, on est à peu près à la moitié. Donc en rayon, elle fait 15 000 parsecs, la galaxie, et nous, on est à, 8, à quasiment 9 milliers de parsecs du centre de la galaxie. Donc on n'est pas vraiment central, on est plutôt sur la périphérie. Mais ça veut dire que du coup, dans notre galaxie, il y a des étoiles qui sont très très éloignées. Les étoiles les plus éloignées de nous sont à 24 milliers de parsecs. Donc ça ne fait pas exactement 30 moins 8,6 pour ceux qui se demandent. C'est parce que en fait, ce n'est pas complètement plan. Donc en fait, il y a aussi une autre distance en dehors du plan qui s'ajoute, qu'il faut ajouter de quelques parsecs, quelques milliers de parsecs. Donc voilà. Donc pour vous donner une, voilà, juste un rappel, l'étoile la plus proche du Soleil, c'est Proxima du Centaure. Et l'étoile la plus loin du Soleil dans notre galaxie, c'est 24 milliers de parsecs, comparé de 1,3 parsec, qui est la distance de Proxima du Centaure. Donc la distance entre le Soleil et le centre de la galaxie est plus de 1 milliard de fois plus grande que la distance Terre-Soleil. Voilà. On peut aussi donner la vitesse du Soleil lors de sa rotation autour de la centre, qui est de 240 km par seconde. Donc ça, c'est juste la vitesse de rotation du Soleil dans la galaxie. D'ailleurs, rapidement, pour autre chose que donner un truc intéressant à partir de ces vitesses dans la galaxie, on aurait pu s'attendre à ce que, comme dans le système solaire, les vitesses des étoiles soient déterminées directement par les lois de Kepler. Donc, vous connaissez la masse du centre, et du coup, vous ajoutez quelques effets perturbatifs dus à la masse autour, etc., des étoiles. Et on en déduit après, assez bonne façon, la vitesse du Soleil, quelle vitesse il tourne autour du centre de la galaxie. Et en fait, on a vérifié que ce n'était pas le cas dans notre galaxie et d'autres, ce qui suggère la présence de masses cachées. Et c'est ce qu'on appelle la matière noire, dont on ne parlera pas plus aujourd'hui, mais donc c'est comme ça qu'on l'a vraiment première mise en évidence de cette matière noire, c'est que les lois de la gravité ne fonctionnent pas à petite échelle, entre guillemets, dans la galaxie. Dans la galaxie, vous avez des problèmes juste que les étoiles ne se comportent pas selon des trucs très simples de Kepler. Donc voilà, je ne vais pas confondre avec l'énergie noire dont je vais parler un tout petit peu plus tard et qui n'a pas grand chose à voir. Mais donc cette matière noire, donc, qui est de la matière, qui a une masse, mais qui est invisible pour le moment à nos télescopes, on n'en sait pas grand chose pour le moment. Il y a des pistes, mais c'est encore assez inconnu. Voilà. Alors, le problème, c'est comment est-ce qu'on a fait pour calculer donc, ces distances dans la galaxie, sachant que je vous ai dit qu'on n'avait pas de différentes distances entre les... pouvait plus utiliser la parallaxe au-delà de... Je ne sais plus combien je vous ai dit, mais quelques milliers, quelques centaines de parsecs. Et là, on doit aller quand même à quelques dizaines de milliers de parsecs. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le reste ? Et ben, en fait, c'est là qu'on va entrer dans une longue suite de ce qu'on appelle des chandelles standards. Donc avant de continuer, donc je vous ai déjà parlé la semaine dernière, je rappelle rapidement ce que c'est que la luminosité absolue et la luminosité réelle. La luminosité absolue ou luminosité réelle, absolue ou réelle, j'utiliserai les deux indifféremment, c'est pareil. Et la luminosité apparente. Donc la seconde est claire, c'est la luminosité apparente, c'est la lumière que vous avez par exemple depuis une étoile, une galaxie, depuis la Terre. C'est facile à calculer, vous calculez le nombre de photons qui vous en arrivent. Mais selon que la même étoile qui avec une même luminosité apparente est située à 1 parsec ou 2 parsecs, elle va avoir une luminosité... La même étoile située à 1 parsec ou 2 parsecs va avoir une luminosité apparente différente, parce qu'elle est plus loin, donc moins d'étoiles va vous en parvenir. Et c'est pour ça qu'on va parler de luminosité réelle, la luminosité si vous étiez collé à elle, en gros. Donc, pas plus exactement, comme si la luminosité de toute l'étoile d'un coup, tous les photons, combien de photons sortent de cette étoile en permanence. Et pour la plupart des objets, en fait, si vous n'avez pas la distance, vous n'avez pas la luminosité réelle. C'est pour ça que vous faites le calcul dans l'autre sens, vous avez besoin de la distance pour calculer la luminosité réelle, ce qui vous permettra de remonter à des propriétés sur l'étoile. Mais on appelle en fait des chandelles. Chandelles standards, des objets un peu particuliers, il y en a quelques-uns, dont on connaît exactement la luminosité propre par un autre système. Du coup, à partir du moment où si vous connaissez sa luminosité propre, comme vous connaissez sa luminosité apparente, le nombre de photons que vous avez sur Terre, vous pouvez en déduire très simplement une distance. Et c'est en fait c'est ces chandelles standards en fait qu'on va utiliser pour mesurer les autres distances dans l'univers. Donc j'ai parlé que de deux types de chandelles standards, les céphéides qui vont servir dans la galaxie et pour les galaxies proches, et les supernovas de type 1A pour les distances un peu au-delà. Alors les céphéides sont des étoiles variables, c'est-à-dire que leur luminosité varie au cours du temps et c'est assez régulier. Et la première astronome à s'en rendre compte, c'est Henrietta Swan Leavitt. C'est pas la première à se rendre compte que la luminosité varie, c'est la première à se rendre compte que cette luminosité en fait était reliée à leur distance. Et donc ça veut dire qu'en fait plus les étoiles, si les étoiles oscillaient rapidement, elles étaient situées à une certaine distance, si elles étaient plus rapidement, elles étaient situées à une autre distance, et qu'en fait on avait une relation. Et donc ça veut dire qu'en fait la luminosité de l'étoile est directement reliée à cette période d'oscillation en fait de la lumière. Et donc ça vous permet du coup directement de vous donner une luminosité propre et du coup de dire que ces objets-là sont situés. Alors plus exactement, vous avez besoin de calibrer cette loi. Donc vous prenez beaucoup de céphéides, vous calculez leur distance par la méthode des parallaxes. À partir de ça, vous en déduisez une relation qui vous lie cette distance à la luminosité de l'étoile. Et après, du coup, à la période de l'étoile, je veux dire. Et après, du coup, une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre n'importe quel céphéide dans le ciel. Et même si vous n'avez pas à calculer une parallaxe parce qu'elle est trop loin, vous pouvez quand même dire elle est à cette distance-là parce qu'elle oscille à cette vitesse-là. Rapidement, pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'on peut relier une étoile à une certaine distance, enfin une certaine luminosité à cause de sa période, c'est parce qu'en fait c'est des étoiles, donc je l'ai dit, oscillantes, donc ont tendance à faire des comme le Soleil a des cycles, elles ont des cycles beaucoup plus importants en fait, elles vont se rétracter et grossir en fait en émettant plus ou moins de lumière à certains moments. Voilà. Et donc voilà, c'est grâce à cette relation, donc mise en évidence dans les années 1900 par Henrietta Swan Leavitt, qui donc permettait d'utiliser les céphéides comme chandelles standard. Cette relation donc a permis à Hubble, pas le satellite, le monsieur, dans les années 20, pour la première fois de regarder dans un télescope et de se dire, donc ces machins lumineux que l'on voit là. Il voyait des machins un peu nébuleux là, et il disait mais en fait si je trouve des céphéides là-dedans, je vois des étoiles oscillantes, du coup j'en déduis une distance et du coup je peux je m'aperçois que ces machins lumineux en fait ils sont pas situés dans la galaxie, ils sont beaucoup trop loin, ils sont situés donc à des centaines de milliers de parsecs, alors que je rappelais la galaxie fait que 30 milliers de parsecs. Et donc voilà, il en déduit que ces objets-là sont situés en dehors de la galaxie et que ce sont des autres galaxies. Donc ça, c'est début des années 20. C'est Hubble qui découvre qu'il y a d'autres galaxies comme les nôtres, en fait. Et donc, où sont à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur encore, les plus proches des galaxies, c'est les deux nuages de Magellan, le petit et le grand nuage de Magellan, qui sont en fait tellement proches de la Voie lactée, 48 milliers de parsecs et 60 milliers de parsecs, qu'on pense qu'en fait, c'est des galaxies, on les appelle galaxies satellites de la Voie lactée. Et ensuite, Andromède, c'est la galaxie spirale la plus proche de nous. Elle est située à 780 000 parsecs. Et donc, elle contient environ 1 000 milliards d'étoiles, donc un peu plus grosse que la Voie lactée, qui en contient que 300 milliards. Et entre 300 et 500 milliards, je crois, pour la Voie lactée. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est qu'on connaît beaucoup de choses. Comme c'est plus facile à regarder, puisqu'on la voit de l'extérieur, en fait, Andromède, on connaît des choses sur Andromède qu'on ne connaît pas sur notre propre galaxie, parce que c'est pas évident de savoir combien il y a d'étoiles, parce qu'elles sont les unes sur les autres, en fait, les étoiles dans la galaxie. Ce qui est pas fort. Andromède, en fait, on la voit bien de profil, du coup, on peut. Enfin, justement, pas de profil, de face, du coup, on peut en déduire pas mal d'informations sur Andromède qu'on ne peut pas déduire sur la Voie lactée. Et on l'a beaucoup lu à beaucoup d'endroits, elle devrait en fait rejoindre la Voie lactée d'ici 4 milliards d'années et donc se taper, rentrer en collision avec la Voie lactée d'ici 4 milliards d'années. Cependant, on l'a vu, les distances entre les étoiles sont gigantesques en comparaison des distances dans les systèmes solaires, donc en gros, et a fortiori de la taille des étoiles. Ça veut dire que deux étoiles, entre la distance entre une étoile et 5 parsecs, la distance typique d'un système solaire par rapport à la distance typique entre plusieurs étoiles, c'est environ multiplié par 1 million. Du coup, en fait, ils avaient très peu de chances qu'il y ait des collisions d'étoiles à ce moment-là. Et en gros, bah voilà, ça devrait se passer assez paisiblement, cette intersection. Et au bout de 7 milliards d'années, les galaxies devraient former une seule et même galaxie. Ces galaxies donc autour de nous, plus 30 ou 40 autres, c'est ce qu'on appelle le groupe local. La distance typique entre les galaxies du groupe local, c'est environ 100 000 parsecs. Un parsec, c'est la distance Terre, en gros, c'est la distance de l'étoile du Soleil à la plus proche étoile du Soleil. Donc là, on passe à la taille d'au-dessus, donc par rapport aux galaxies. Hein, c'est que, voilà, donc en gros, le groupe local entier, c'est environ 3 millions de parsecs, à comparer à 30 000 parsecs de la galaxie, et à 1,3 parsecs de la distance Proxima du Centaure. Donc 3 millions en fait de parsecs, c'est à peu près la distance maximum auquel les céphéides permettent d'accéder, parce qu'au-delà en fait les étoiles deviennent trop faibles et du coup on n'arrive pas à calculer précisément en fait leur période d'oscillation. Du coup on ne peut plus utiliser cette méthode pour calculer pour se servir de chandelle. Mais c'est quand même en utilisant donc ces chandelles-là, c'est la deuxième chose absolument fondamentale que Hubble a trouvée. J'en avais déjà parlé dans mon dossier sur Hubble il y a quelques semaines, quelques mois. Il s'est aperçu donc plus les galaxies s'éloignaient de nous, plus elles avaient un décalage de leur lumière vers le rouge. Donc c'est pas exactement l'effet Doppler lumineux dont on a parlé à l'épisode précédent. C'est un effet relativiste de l'expansion de l'univers, mais qui en gros est à peu près le résultat est à peu près identique. On peut même l'interpréter apparemment pareil pour les objets les plus proches. Je ne suis pas un spécialiste de ça, mais Jean-Philippe Usan en parle aussi dans son épisode. Mais du coup, en fait, ça dit que les étoiles, que les galaxies, en fait, il a montré que les galaxies, que plus les galaxies étaient loin, plus elles s'éloignaient vite de nous, ce qui, du coup, a permis de dire que l'univers était en expansion. Et comme il en a déduit que l'univers était en expansion, si on remonte le temps en arrière, il a pu dire, en fonction de la distance de ces galaxies et de la vitesse à laquelle elles s'éloignent nous, et plus exactement de la vitesse à laquelle l'univers était en expansion, si on remonte le temps, on peut en déduire à peu près un âge à l'univers. Et donc, c'est donc la première estimation de l'âge à l'univers, donc c'est la fin des années 20 et c'est Hubble. Mais en fait, vous comprenez pourquoi est-ce que... Donc là, je voudrais introduire quelque chose qu'on appelle l'échelle des distances cosmiques. C'est qu'en fait, une fois que vous connaissez très bien la distance Terre-Soleil, donc au kilomètre près, enfin, quelque chose de très précis, vous allez pouvoir calculer la distance des étoiles les plus proches en utilisant la méthode de la parallaxe. Une fois que vous avez une très bonne parallaxe de toutes les étoiles lointaines, en particulier des céphéides, vous allez pouvoir bien calculer cette distance pour plein de céphéides, calibrer parfaitement votre relation, affiner votre relation distance-période pour les céphéides, et du coup utiliser les céphéides pour mesurer des distances. Mais du coup, un problème de mesure à un moment va tout vous impacter d'un coup, en fait, parce que en gros, chaque échelon, vous devez vous assurer d'être particulièrement précis sur chaque échelon, en fait, avant de passer à l'échelon d'après. Parce que vous avez, en tout cas au début, vous n'avez pas d'autres moyens de vérifier. Alors après, on a essayé d'utiliser plein de méthodes indirectes pour revérifier ces choses-là, pour effectivement pas dire de conneries. Mais en gros, si chaque échelon n'est pas suffisamment solide, si votre distance, si on se découvre que la distance Terre-Soleil finalement fait la moitié de ce qu'on pensait, du coup, toutes les parallaxes sont fausses, parce qu'on avait juste mesuré un angle, mais du coup, en vraie distance, du coup, tout se rapproche. Du coup, si toutes les parallaxes sont fausses, toutes les distances de céphéides sont fausses, et du coup, toutes les distances de galaxies sont fausses. Et donc, c'est en gros ce qui est arrivé en 1952, quand Walter Baad a annoncé en conférence à Rome que ce qu'on pensait être en fait un groupe unique de céphéides, en fait, il disait qu'en fait, pour les avoir bien analysés, il disait qu'en fait, il y avait deux types de céphéides qui ne se comportaient pas exactement pareil. Et donc, en fait, on avait extrapolé les résultats d'un groupe à toutes les céphéides, mais en fait, ce n'était pas le cas. Il y en avait des céphéides qui se comportaient comme ça et d'autres qui se comportaient un peu différemment. Heureusement, pas d'inquiétude, il a refait la calibration proprement. Par contre, bah, du coup, la distance de toutes les galaxies connues données par Hubble et la taille de la voie lactée donnée par Shapley, tout ça prenait un facteur 2 d'un coup. Donc en fait, la galaxie a doublé un jour en conférence à Rome en 1952. Et mais c'est pas que ça, il y a aussi l'univers, parce que je vous ai dit que l'univers, l'âge de l'univers avait été aussi déduit par rapport à ses distances. Et donc vous voyez, rien que par rapport, donc l'univers a aussi, l'âge de l'univers a doublé ce jour-là aussi. Et donc vous voyez qu'en fait, par rapport à, c'est assez intéressant de se dire que juste par rapport à une mesure qu'on a fait sur des étoiles qui sont très proches, très locales, qui sont les céphéides dans notre galaxie. Et ben en fait, ça donne, ça fait une influence sur tout l'univers d'un coup, parce que c'est tout le problème de l'échelle des distances cosmologiques, qui donc c'est vous avancez d'un échelon à chaque fois, mais il faut être bien sûr de chaque échelon avant de passer à l'échelon d'après, sinon tout peut tomber. Et ça arrive pas tous les jours, un facteur 2 dans la taille de l'univers, mais un affinage de quelques pourcents dans la mesure de la distance ou du comportement de tel groupe d'étoiles locales peut avoir des conséquences sur la taille de l'univers entier ou sur son âge, par exemple. Les deux autres échelons, les plus... donc, je vais encore parler de quelques échelons des distances, de l'échelle des distances cosmiques. Donc, rapidement, l'ajustement à la séquence principale et la loi de Tully-Fisher. Donc, la séquence principale... C'est absolument fondamental en astrophysique. C'est le fait que la couleur de la plupart des étoiles et leur luminosité réelle suivent une courbe assez jolie. Donc, c'est pas une droite, c'est une courbe un peu tordue. C'est très bien connu. Donc, en gros, vous avez la couleur de l'étoile va être reliée plus ou moins bien à sa luminosité réelle. Et à partir de ça, bah, du coup, si vous connaissez une couleur d'étoile, vous en déduisez sa luminosité réelle, puis vous connaissez sa luminosité apparente et vous avez sa distance. Et ça marche pour toutes les étoiles, même si ce n'est pas des céphéides. Donc ça, c'est pour les étoiles, c'est plutôt pour les distances d'étoiles au sein de notre galaxie. Mais encore une fois, il a fallu la créer, cette courbe-là, donc il a fallu utiliser d'autres méthodes pour créer cette relation luminosité réelle couleur. Et donc, il a encore une fois, c'est un échelon qui repose sur les échelons d'en dessous. Et la loi de Tully-Fisher, c'est une relation empirique qui établit la luminosité réelle des galaxies spirales et l'amplitude de la courbe de rotation. Donc, en fonction de comment elle tourne, vous avez la luminosité réelle. Puis, comme vous connaissez la luminosité apparente, vous avez la distance, comme d'habitude. Ces deux échelons, comme les céphéides, nécessitent de connaître les échelons d'avant. Finalement, donc, le dernier échelon dont je vais vous parler, c'est la dernière chandelle. Il y en a d'autres, mais c'est les supernovas de type 1A. Elles ont une importance particulière en fait en astrophysique parce qu'elles ont permis une découverte majeure. Donc, c'est des étoiles en fait, c'est des étoiles en fin de vie. C'est le moment d'une supernova, c'est l'explosion d'une étoile en fin de vie. Et en fait, si vous observez la luminosité au cours du temps, si elle s'affine à une courbe, en fait, on a découvert que, toujours en s'appuyant sur les échelons d'en dessous de l'échelle des distances cosmiques, si vous avez une luminosité, la courbe temporelle de luminosité, l'augmentation puis la baisse de luminosité au cours de l'explosion, est très bien reliée en fait, à la luminosité réelle de ces objets. Du coup, bah, encore une fois, si vous avez la luminosité réelle et la luminosité apparente, vous pouvez en déduire la distance. Et du coup, en fait, les gens les utilisaient à la fin des années 80, dans les années 90 pour chercher, pour confirmer la loi de Hubble à donc la loi de Hubble qui était l'éloignement des galaxies en fonction de la distance. Plus les galaxies sont loin de nous, plus elles s'éloignent vite. Ils ont essayé de la confirmer pour des galaxies très très loin, parce que l'avantage des supernovas de type 1A, c'est que ça pète très fort, donc on peut les voir de très loin, donc on peut les voir même dans des galaxies très très éloignées. Donc ils ont observé beaucoup de supernovas, etc. Ils ont mis quelques points sur un graphe. Et on s'attendait plutôt à avoir un ralentissement de la vitesse de l'univers, et en fait on a vu une accélération de la vitesse de l'univers. Du coup, bah, pourquoi est-ce que c'était bizarre? Parce qu'en fait on s'attendait à ce que toute la masse dans l'univers, la masse de la matière de l'univers, avait tendance plutôt à ralentir l'univers sur lui-même, du coup à attirer, voilà. Tandis que là ça accélère, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est dans l'univers, une énergie qui est dans l'univers, qui non seulement contrebalance la masse, mais qui fait que, en plus, l'univers s'étend encore plus vite, va de plus en plus vite. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'énergie sombre. Elle est encore assez méconnue, correspondrait à 68% de l'énergie totale de l'univers, mais on n'a pas vraiment d'autres informations sur ça. Donc le champ des distances en astronomie, dont ce que je vous ai parlé là, qu'on appelle l'astrométrie, et les chandelles standards, les échelles cosmiques, des distances cosmiques, c'est encore très très étudié en astronomie. Et en fait, il faut affiner encore et encore les mesures des modèles, ce qui permet à terme d'affiner, je vous dis, de créer en fait de l'astrophysique. Vous n'avez pas d'astrophysique sans distance. Vous pouvez pas, sinon c'est juste des points lumineux dans le ciel. Mais à partir du moment où vous avez une distance, vous pouvez donc autant faire je vous l'ai dit à l'épisode d'avant, de la physique stellaire, mais ça vous permet aussi de faire tout ce qu'on connaît. Les paramètres fondamentaux de l'univers dépendent énormément des distances que vous avez calculées, par exemple de la vitesse d'expansion de l'univers, qui dépend évidemment des distances des galaxies des galaxies. Donc encore une fois, voilà, donc c'est cette astrométrie est quelque chose d'extrêmement important en astrophysique. Finalement, donc une fois que un dernier truc aussi, qui est un peu le dernier échelon, en fait, on connaît déjà le dernier échelon de cette loi de cette échelle cosmique, c'est la loi de Hubble elle-même. Si vous êtes suffisamment sûr de la relation qui existe entre expansion de l'univers et distance des galaxies, du coup, vous pouvez en déduire que si vous observez une galaxie, grâce à son effet Doppler relativiste, vous en déduisez qu'elle s'éloigne de vous à telle vitesse. Et à partir du moment où vous en déduisez qu'elle s'éloigne de vous à telle vitesse, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez utiliser la loi de Hubble pour revenir à sa distance. Mais donc ça, c'est comme ça qu'on mesure les distances des galaxies les plus éloignées. Problème, c'est qu'il faut encore une fois bien que les échelons d'avant soient bien solides. Si votre loi de Hubble est mal caractérisée, je ne sais pas à combien exactement la constante de Hubble est caractérisée maintenant, mais si elle n'est pas assez bien caractérisée, vous faites une erreur sur etc. Donc je vais finir maintenant sur l'univers, sur les derniers échelons de l'échelle. Ces estimations de distance ont permis de repérer donc d'autres groupes de galaxies autour de nous. J'étais resté donc au groupe local, qui forme un ensemble considéré comme assez typique, un groupe de galaxies considéré comme assez typique, donc de quelques dizaines de galaxies, et qui interagit finalement assez faiblement avec ses voisins. Donc les autres groupes de galaxies, c'est le filament du sculpteur et le nuage des chiens de chasse. Comme tous ces noms-là sont été donnés en fait en fonction des constellations dans lesquelles elles étaient, donc c'est pour ça qu'il y a des noms mignons comme ça. Tous sont situés en périphérie d'un amas de galaxies, donc un amas, un groupe, c'est plutôt quelques dizaines de galaxies, un amas, c'est quelques centaines, voire quelques milliers, il y a pas vraiment de... c'est assez continu la différence entre un groupe de galaxies et un amas de galaxies. Et donc nous, ainsi que plusieurs groupes autour, on est situés dans l'amas de la Vierge. Ces groupes et cet amas forment le super amas de la Vierge dont nous faisons partie. Non, pardon. Oui, c'est ça, donc le super amas de la Vierge. Attends, non, pardon. Plus exactement, donc, on n'est pas dans l'amas de la Vierge, on est dans le super amas de la Vierge. Mais en gros, un groupe, c'est un petit amas. Donc nous, on est dans le petit amas qu'on appelle groupe local. Il y a un autre amas qui s'appelle amas de la Vierge. Et tous les groupes, plus l'amas de la Vierge, plus d'autres amas, ça fait le super amas de la Vierge, qu'on appelle, vous avez peut-être déjà entendu le mot en anglais, super cluster. Donc c'est ça. Donc cette super amas fait 33 millions de parsecs et contient au moins 100 groupes ou amas et environ 10 000 galaxies qui contiennent chacune entre plusieurs milliards et plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc à cette échelle, en fait, les étoiles en elles-mêmes n'ont plus vraiment en fait d'importance en elles-mêmes. En fait, là, on parle donc plusieurs dizaines de milliers de galaxies. Donc, et encore au-dessus se trouve quelque chose qui a été découvert il y a quelques années par Tully de Hawaï et Hélène Courtois de l'Université de Lyon 1, qui est l'Aniakea, qui veut dire immensité de toutes choses en hawaïen, à confirmer, je ne me rappelle plus exactement, enfin c'est de l'hawaïen. Et donc c'est une sorte de super amas, un super cluster qui contiendrait le super amas de la Vierge. Et donc lui ferait environ 160 millions de parsecs de large. Donc juste pour récapituler, étoile la plus proche du Soleil, Proxima du Centaure, 1,3 parsecs, qui elle-même faisait 206 000 distances Terre-Soleil. Voie lactée fait 30 000 parsecs. Andromède, 780 000 parsecs. Et super amas, l'Aniakea, fait 160 millions de parsecs de large. Voilà, il y a une vidéo en anglais très bien de Science sur cette de parsec Laniakea. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que les chercheurs ont cherché à comprendre en gros comment s'arrangeaient donc ces super amas et ces super super amas. Et en fait, ils ont trouvé que c'était pas du tout. On pensait que c'était assez assez homogène en fait, que voilà, comme un gaz, voilà. Mais en fait, non, ils vont former des sortes de longs filaments en fait dans l'espace, des longs filaments cosmiques. Et il y a plusieurs assez belles simulations qui montrent ces filaments en train de se créer. Mais pour vous donner une idée, en gros, à ces échelles-là, en fait, une étoile ou même une galaxie, en fait, les simulations qu'on utilise, chaque point ou chaque galaxie ont plus vraiment de... chaque point de la simulation représente plusieurs galaxies. Et donc, a fortiori, plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Donc c'est pour vous donner une idée en fait de la taille. En fait, à chaque fois qu'on change de dimension, on change de modèle pour l'attribuer. C'est comme si par exemple vous n'allez pas forcément utiliser la physique quantique pour décrire un gaz dans son ensemble. Un gaz dans son ensemble, vous ne pouvez pas compter chacun des atomes un par un et ses relations avec ses électrons. Bah, c'est la même chose. Là, vous allez devoir changer de théorie à chaque fois. Et voilà, donc c'est pour ça donc les simulations qu'on utilise. On arrive donc à la fin du voyage. Dernière étape, à partir des estimations fines de la loi de Hubble, donc voilà, on peut relier chaque décalage vers le rouge à une distance. Et donc, c'est ce que je vous ai dit, c'est le dernier échelon de la luminosité, de l'échelle des distances cosmiques. Donc, c'est une échelle assez compliquée parce qu'elle dépend des paramètres de l'univers. Dépend de est-ce que l'univers au début, est-ce qu'il a été plus rapide ou plus lent au début, etc. Parce que c'est, voilà. Ça permet de définir des distances en fait qui ne sont pas dépendantes de l'humain. Donc c'est la première unité que je vous introduis là, et c'est je crois la seule unité utilisée actuellement qui est dépendante que des paramètres de l'univers. Donc vous avez, ça y est, enfin une distance de l'univers. Donc c'est pas du tout applicable aux échelles locales, mais c'est quand même une distance indépendante de l'univers. C'est une distance qui pourrait parler aux aliens. Donc ce qui est assez intéressant. Voilà. Donc l'univers observable, c'est-à-dire l'ensemble des phénomènes observables par des astrophysiciens, c'est-à-dire que, parce que oui, l'univers a un certain âge, 13,8 milliards d'années, on ne peut pas voir d'événements plus anciens car leurs lumières ne sont pas encore parvenues. Du coup, l'univers observable est une sphère de 13,8 milliards d'années, d'années-lumière, de rayons et de centre le Soleil, de centre moi. Ou voilà. Donc, c'est-à-dire que au-delà de ça, vous pouvez, voilà. Donc, c'est pour ça que je reviens effectivement. Je disais au début que peut-être là, pour ce cas-là, effectivement, c'était intéressant de parler en années-lumière. Effectivement, pour la taille de l'univers, c'est intéressant de parler en années-lumière parce que c'est assez simple. C'est juste l'âge que multiplie, le nombre en années-lumière. Chaque point de l'univers a son propre univers observable qui peut ou pas intersecter l'univers observable de la Terre. Donc mais il faut considérer qu'un objet, s'il vous a par exemple envoyé de la lumière il y a 10 milliards d'années à un moment, à ce moment-là, il s'éloignait déjà de vous. Et donc, il est possible que cet objet-là, cet objet-là a déjà changé de position par rapport au moment où il vous envoyait la lumière. Et donc, il est possible que des objets maintenant ne sont plus dans l'univers observable, qu'ils y ont été à un moment, mais qu'ils n'y sont plus. Et du coup, vous pouvez en déduire la position de tous ces objets, tous les objets que vous observez dans l'univers observable, vous pouvez leur donner une position réelle et actuelle. Et ça, du coup, ça vous donne une taille de ce qu'on appelle l'univers, l'horizon cosmologique, c'est-à-dire la distance des objets les plus lointains en prenant en compte le fait qu'ils ne sont maintenant plus dans l'univers observable. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair, parfaitement clair. Ok. Voilà, et du coup, on déduit que l'horizon cosmologique, donc c'est environ 90 milliards de parsecs. Voilà. Voilà, donc qu'est-ce qu'on déduit de... Je vais passer à la conclusion maintenant du dossier. Et au-delà de cet horizon cosmologique, on est incapable, c'est au-delà de la Après, science, quoi. c'est plus le boulot des astrophysiciens, oui. Bah, Enfin, c'est c'est plus même. le boulot des astronomes. Après, les En fait, astrophysiciens on peuvent. est même incapable de dire scientifiquement quoi que ce soit. Je veux dire, ce sera des choses qu'on ne pourra jamais vérifier. Ou du moins, pour l'instant, on ne voit pas comment on pourrait vérifier ce genre de choses. J'en avais déjà parlé, parce que pour moi, je suis d'accord que tu peux plus faire de. À partir du moment où tu n'as plus d'observation, ça ne sert plus à rien de faire de la physique. Mais, par exemple, sur ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, etc. Ouais. On avait déjà parlé avec Luminet, et lui, ça le dérangeait pas du tout, il trouvait que c'était intéressant quand même. C'est vrai que ça dérange pas, j'imagine bien, mais c'était plus en mode, voilà, pour l'instant, on voit pas comment aller faire des observations au-delà de cette limite-là Bah, c'est et vrai à que même dans l'intérieur des notre trous physique noirs. actuelle, on prouve que c'est impossible, en fait, parce que C'est leur ça. luminosité ne, voilà, ne Donc. nous en parviendra jamais. Voilà. Donc je ne sais pas exactement est-ce que c'est un intérêt. Et on ne répond pas, par exemple, à la question est-ce que l'univers est fini, infini, fini avec des bords, fini sans bords? Qui sont des questions intéressantes, etc. Mais qui, là, je parle moi juste de l'univers observable, c'est-à-dire ce qu'on observe et ce qu'on sait à quelle position c'est parce qu'on l'a observé à un moment de son histoire. Mais ça donne pas du tout Mais à ce le qui se problème de passe. l'univers observable, c'est qu'on est au centre de l'univers observable. Alors, tu es incapable de nous dire si on est au centre de l'univers ou pas. Ben, en fait, ça n'a pas vraiment de sens de dire qu'on est au centre de Ben, on est au l'univers. centre C'est de l'univers observable par nous. Oui, mais on n'est pas au. Enfin, ça. En fait, l'univers a pas de centre, en C'est ça fait, que je aussi voulais dire, ça. ouais. C'est l'univers en vrai a pas de centre parce que. Alors, comment tu peux. Ben, ça C'est comme dépend. dire qu'on est au Ouais, milieu enfin. d'une droite déjà, si c'est infini. C'est ça. Les Et matheux même si comprennent c'est bien. fini. Non, mais c'est s'il est fini, éventuellement un peu plus, mais c'est vrai que c'est Ben, même s'il pas. est fini, C'est si comme t'es dire que sur t'es au une centre. sphère. C'est comme. Voilà, c'est comme si tu dis que t'es au centre de la surface de la Terre. Ça n'a pas de sens de dire que t'es au centre de la surface de la Voilà. Terre. Enfin, il y a des gens qui arrivent à y trouver quatre coins, la Terre, mais. Quand il y a des gens. Enfin, bon, bref. Et Il y a du coup, quand en même l'exemple. utilisant ce même. Oui, voilà, il faut imaginer que la Terre. Bah, prenons cet exemple de la surface de la Terre. Au début, donc l'univers était en un seul point. Donc ça, c'est. Voilà. Et bah, imaginons que la Terre, au début, était en un seul point et la Terre double de distance. Bah, donc, si vous comprenez bien comment les choses peuvent s'éloigner de vous, sans pour autant s'éloigner en vrai, mais les trucs s'éloignent de vous. Et j'aime bien cette notation, enfin, cette idée de la surface de la Terre. Comme pour décrire l'univers, ça permet de comprendre des choses. Et je sais plus ce que je voulais dire. Oui, mais du coup, voilà, c'est que toutes les distances grandissent par homothétie, mais il n'y a pas de. Et ça veut pas dire que. Enfin, il n'y a pas de point central de la surface de la Terre. Oui. Dans notre dimension, en quatre dimensions, quoi. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit retenir du voyage? Alors, la première que je voulais. Retenir, voilà, c'est cette idée d'échelle des distances cosmiques. Le savoir en astronomie, c'est difficile à acquérir parce qu'on ne peut pas faire d'expérience. On doit en permanence se demander si les objets, si ce qu'on voit, c'est vraiment ce qu'on voit ou si on le voit parce que c'est loin, parce que ça va vite, parce que. Mais donc, en gros, on doit obtenir le maximum. Plus on apporte d'informations, plus on peut débloquer de connaissances, mais on ne peut pas s'en rapprocher. On est toujours très loin de ces objets-là. J'avais utilisé, par exemple, dans mon dossier sur les exoplanètes, l'analogie du phare que vous voyez briller au loin, alors que vous êtes sur un bateau. Mais par contre, quand tu dis on peut pas faire d'expérience, c'est pas vrai, parce que quand tu as une théorie en astrophysique, tu peux avoir ton expérience qui consiste à aller regarder à un endroit précis qu'il y a bien ce que tu t'attends à voir, quoi. Ou qu'il y Oui, a telle longueur d'onde, et ça c'est mais une par exemple, expérience en si tu as une fait. théorie sur une étoile, tu peux pas dire à l'étoile de se comporter de telle ou telle façon. Non, L'étoile, est-ce que. mais tu peux faire des expériences. Enfin, en fait, c'est pareil dans toutes les sciences, tu peux pas tout contrôler. Il y a des trucs que tu peux contrôler ou pas, et là en astrophysique tu peux pas contrôler grand-chose, mais tu es quand même capable d'avoir une théorie, de prédire des choses et d'aller regarder si tes prédictions sont vraies quand elles sont regardables, quoi. Et Oui, tu peux quand même. ça pour Oui, moi tu c'est peux des même faire des expériences. hypothèses. Oui, c'est enfin, ces observations, c'est pas des expériences. Pour moi, la différence, ouais. Au sens où une expérience, c'est quelque chose que tu peux refaire et refaire à chaque fois et en changeant des Mais paramètres en l'occurrence, et après et faire des observations de ton expérience. il y a des trucs en astrophysique où tu peux en refaire. Quand tu vas aller observer Tu peux toujours faire des observations, mais tu peux faire plusieurs observations sur le même tu peux type pas d'objet, modifier et ton objet, puis. c'est ça que je veux dire. Ouais. Contrairement à une expérience où tu peux. Par exemple faire passer des photons dans une certaine dans un certain dispositif et tu peux le refaire autant de fois que tu veux Ouais, mais jusqu'à ce que tu peux pas faire ouais. passer exactement le même photon, deux fois. Oui, bon peut-être. Bon, Tu vois, mais bon. non, mais c'est intéressant, je trouve, parce que je trouve il y a certes très peu de contrôle, mais ça reste des expériences scientifiques, quoi. Oui, enfin ça reste des observations, Ou oui. des observations, ouais. C'est du vocabulaire Voilà. après. Et du coup, bah, pour déduire toutes ces. Donc, vous avez juste une information lumineuse, en fait, qui vous parvient, à peu près. Oui, c'est juste une information lumineuse, au sens large. Les ondes radio, par exemple, sont des... et donc, cette information lumineuse que vous avez partielle, vous devez en déduire toutes les informations. Par exemple, donc, c'est encore pour l'analogie du bateau, bah, vous devez en déduire la distance du phare, la présence de récifs, le nom de l'île sur lequel le phare est situé, etc. Et donc, ça veut dire que vous devez... c'est à partir de... Voilà. Et du coup, construire une échelle qui nous permet d'accéder à des distances de plus en plus grandes en commençant très petit, donc rayon de la Terre, distance Terre-Soleil, pour finir aux galaxies les plus éloignées. La deuxième chose sur laquelle je voulais insister, c'est la faible densité de l'univers au niveau des galaxies par rapport au reste. Donc si vous vous souvenez de ce que j'ai dit et si vous voyez aussi un petit peu les images dans la chatroom, en gros, les deux premières étapes qui sont les planètes par rapport au Soleil et le Soleil par rapport aux étoiles proches, c'est vraiment rien du tout. Donc, c'est 5 parsecs, je vous ai dit, l'épisode de la semaine dernière. C'est rien du tout. C'est 65 étoiles par rapport aux centaines de milliards de la galaxie. Donc, c'est vraiment la porte à côté dans la galaxie. C'est 5 parsecs. C'est une toute petite distance dans l'univers et dans la galaxie, 5 parsecs. Bah, rien que la distance entre la Terre et le Soleil, le rapport entre la distance Terre-Soleil et 5 parsecs, c'est la même qu'entre la Voie lactée et l'univers observable. Donc, en gros, ça veut dire que le local... à cette échelle, enfin le tout petit en fait, extrêmement dense en fait. La matière au niveau des étoiles et des planètes est super compactée par rapport au reste de l'univers. Et donc c'est un énorme avantage ça, c'est-à-dire que les galaxies elles passent leur temps à s'en plafonner les unes dans les autres. Donc on l'a vu, dans 4 milliards d'années on va se taper avec Andromède, mais ça arrive assez rarement en fait aux étoiles parce qu'il y a une très très grande densité à ce moment-là des étoiles par rapport les unes par rapport aux autres. Et en fait, si les étoiles se tamponnaient toutes les 3-4 milliards d'années, en fait, il n'y aurait pas de vie dans l'univers. Il n'y aurait pas de vie sur Terre, parce qu'il n'y aurait pas le temps d'avoir de la vie si tous les 3-4 milliards d'années, l'étoile disparaît. Par contre, bah, le désavantage, c'est que sur 65 étoiles, la probabilité d'une autre planète habitable dans ces 65 étoiles qui nous entoure est très très faible. Et encore une fois, je vous ai dit, ces 65 étoiles sont assez loin finalement comparativement par rapport aux distances dans le système solaire. Et donc voilà, ça veut dire que vous avez en gros les distances pour aller sur une autre planète en fait, et une autre planète habitable sont en fait véritablement énormes en fait par rapport à nos distances à nous dans notre système solaire. Donc voilà, on a répondu à la question « Où sommes-nous ?» Et je continue un tout petit peu encore sur l'univers observable. Un truc intéressant que j'ai découvert aussi en faisant les recherches là-dessus, c'est que l'univers, du coup, est en expansion, on l'a vu. Ça veut dire que les objets s'éloignent de nous, et plus ils sont loin, plus ils s'éloignent vite. Est-ce qu'ils s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière ? Oui, bien sûr, certains objets, donc c'est pas qu'ils s'éloignent plus vite que la vitesse de la lumière, c'est qu'ils subissent une expansion, l'expansion de l'univers fait qu'ils s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Donc c'est pas que si l'information, si elle se transmet en ligne droite de nous à eux, ça va toujours à la vitesse de la lumière, mais l'univers s'expand tellement vite pour certains objets qu'on a l'impression qu'ils s'éloignent de nous plus vite que la vitesse de la lumière. Ça veut dire en fait que ces objets-là, en fait, vu qu'ils s'éloignent de nous plus vite que la lumière, eh bien, en fait, leur position présente, en fait, on n'aura jamais de lumière d'eux, parce que les photons émis vers nous, en fait, sont limités dans leur propagation dans l'univers à la vitesse de la lumière. Il ne pourra jamais, en fait... je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, pourra jamais nous parvenir à nous parce que ça va se faire à la vitesse de la lumière. Et eux, l'expansion de l'univers fait qu'ils s'éloignent plus vite que nous, que la vitesse de l'univers. Du coup, par exemple, dans mon épisode sur Hubble, j'avais parlé de l'Ultra Deep Field, cette image prise par le satellite Hubble qui a cherché à fixer pendant le ciel pendant 11 jours en cumulé pour obtenir des objets les plus reculés. Eh bien, les mesures de leur décalage vers le rouge montrent que 40% de ces objets, en fait, leur lumière aujourd'hui n'est plus accessible et ne le sera jamais parce qu'ils sont, en dehors de la... Ils vont trop vite pour que leur lumière nous parvienne un jour. Et ça veut dire aussi que le fait que... Qu'est-ce que ça veut dire en fait que la lumière, que l'expansion de l'univers... en gros, ça veut dire que ces objets-là, en fait, ils sont situés dans ce que j'avais décrit comme la sphère... de l'univers, en dehors de l'univers observable, mais dans l'univers cosmologique actuellement. Mais qu'est-ce que ça veut dire en gros que l'univers est en expansion accélérée ? Eh ben, ça veut dire qu'en fait, de plus en plus d'objets basculent en fait de cette limite entre l'univers observable et l'horizon cosmologique. En fait, de plus en plus d'objets à terme vont disparaître. Donc, ça veut dire d'ici quelques milliards d'années. Donc, en gros, que l'univers observable grandit moins vite que l'horizon cosmologique. Et donc, ça veut dire que à terme, dans plusieurs milliards d'années, en gros, les galaxies disparaîtront. Voilà. Et je conclue, je sais que ce n'est pas la norme, mais je conclue directement sur ma citation parce qu'elle est un peu longue et voilà, qui conclut mon dossier. Donc, une citation de Pascal, issue de son texte sur les deux infinis. « Quand je considère la plus petite durée de la vie, absorbée dans l'éternité précédente et suivante, le petit espace que je remplis et même que je vois, abîmé dans l'infinie immensité des espaces que j'ignore et qui m'ignorent, je m'effraie et m'étonne de me voir ici plutôt que là. » Pourquoi à présent plutôt que l'or ? Qui m'y a mis ? Par l'ordre et la conduite de qui ce lieu et ce temps a-t-il été destiné à moi ? Pourquoi ma connaissance est-elle bornée ? Ma taille ? Ma durée à 100 plutôt qu'à 1000 ? Quelle raison a eu la nature de me la donner telle et de choisir ce nombre plutôt qu'un autre, dans l'infinité desquels il n'y a pas plus de raison de choisir l'un que l'autre ? Rien ne t'entend plus que l'autre. Combien de royaumes nous ignorent ? Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Merveilleuse fin de dossier, même si tu respectes pas les règles de l'art. Désolé. Je sais pas si on avait des questions dans la chatroom, je crois qu'on en avait pas spécialement. C'était très très clair ce que tu as raconté. Ça donne le tournis, mais c'est très très clair, quoi. J'ai pas vu d'autres questions. On voit. En fait, ce qui est très très épatant, c'est qu'on ait su cartographier à ce point des choses si loin, quoi. Mais ça, en fait, c'est super récent. C'est ça qui est marrant, c'est que jusqu'au début du 18e, on connaissait rien de la carte de l'univers en dehors de. Et est-ce que tu penses que c'est possible, un peu comme le fait qu'on ait changé l'âge de l'univers et la taille de l'univers, que cette cartographie change du tout au tout d'ici les prochaines, enfin dans les prochaines décennies, siècles? Gaïa va nous donner. Je pense pas que ça va changer du tout au tout. Non, je pense pas que ça va changer du double. Mais je pense que oui, il y a de l'ajustement pour plusieurs des pourcentages assez importants. Parce que, l'échelle des distances cosmiques que je vous ai donnée, en fait, elle est assez simplifiée parce qu'on a mis plusieurs échelles en parallèle. On utilise plein, en fait, de données qui peuvent se recouper et qui permettent, en fait, d'avoir des indications indirectes et qui permettent de bien consolider chacun des échelons, en fait. Donc, normalement, on n'est plus dépendant que des céphéides, typiquement. Si les céphéides sont fausses, ça sera chiant, mais normalement, on a quand même d'autres indications par d'autres endroits que c'est pas trop faux. Et sinon, fini. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, mais par exemple, les Gaïa, là, qui va mesurer plein de distances dans l'univers, ça va permettre vraiment de bien bien contraindre les céphéides, et du coup, ouais, Gaïa va faire changer l'âge de l'univers. Une mission qui est juste là pour cartographier les étoiles autour de nous va faire changer l'âge de l'univers. Pas de beaucoup sans doute, mais va permettre de réajuster toutes ces échelles les unes après les autres et du coup de changer à peu près à la fin un âge, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mon autre question, c'était plus sur un peu une ouverture sur ce qui se fait actuellement et un peu sur peut-être des choses pas très loin de ce que tu travailles. On a un peu des idées sur comment aller observer la matière noire ? La matière noire. Matière non éclairée dont tu parlais, je ne sais pas si c'est vraiment la matière noire ou si je fais un abus de langage. Non, c'est la matière noire. Je crois qu'on a des pistes théoriques pour l'expliquer. Ça serait de la matière. Pas l'expliquer, l'observer et la mesurer, quoi. Et bah, en fait, non, on le déduit juste en fait, par ce que je disais, par ces. Alors, l'observer, donc en gros, tu veux dire par le spectre lumineux, quoi. Pas forcément, ouais, enfin. La seule, pour le moment, les indications qu'on en a, et il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça, c'est que tu observes les galaxies, tu cartographies toute la matière que tu vois, toutes les étoiles, tu mets des masses partout, et tu regardes comment elles tournent, et tu en déduis que... c'est ça, c'est que ça fait un peu erreur. Enfin, la matière noire, aujourd'hui, c'est une correction d'erreur de calcul, quoi. C'est ça, tu prends un bras de galaxie et tu déduis qu'il devrait tourner à cette vitesse-là, et du coup, t'arrives, c'est assez bien fait maintenant. Il y a des galaxies où on a. Et pas, c'est pas encore trop bien fait dans le. En fait, ce que je me demandais, c'est est-ce qu'on a des pistes pour affiner ce calcul-là? Parce qu'en fait, grosso modo, dans cette matière noire, on met un peu tout ce qui reste, quoi. Et il peut y avoir tout et n'importe quoi. Alors, je ne serais pas exactement sur le même plan la matière noire et la matière et l'énergie noire, où vraiment l'énergie noire, c'est un défaut de la relativité à très grande échelle. Enfin, j'en sais rien. Non, Et tu vois, je sors dans ton vraiment de mon dossier domaine sur de les compétences. exoplanètes, tu avais un peu affiné ça, où les exoplanètes qu'on découvre, c'est des manières d'affiner un tout petit peu cette notion un peu, pas vague, mais un peu fourre-tout de matière noire, où on a toute une masse qu'on ne sait pas trop caractériser. Bon, ben, quand on trouve des exoplanètes, on va pouvoir un peu la caractériser, mais est-ce qu'on a des pistes pour un peu plus la caractériser que ça, quoi? Parce que ça peut être vraiment des choses très variées, en fait, finalement. On sait juste que c'est de la masse. On sait juste que c'est de la masse, ouais. Mais j'avoue que je sais. À un moment, on a cru que on a appelé ça les WIMP, Weakly Interfering je sais plus quoi. Enfin bref, en gros, on a cru que c'était des objets très peu lumineux. Non, pardon. Non, pardon. C'était pas les WIMP. Les WIMP, c'est ce qu'on pense que c'est maintenant. Mais je ne me souviens plus du nom. On a cru que c'était les objets comme les naines brunes, qui étaient des étoiles très faiblement lumineuses. Et donc on s'est dit qu'en fait, il y avait des tas d'étoiles qu'on voyait pas bien et qu'elles étaient là. On a maintenant réussi à déterminer que c'était pas ça. Donc c'est sans doute pas de la matière normale. Que c'est pas de la, voilà. Après, on ne sait pas vraiment ce que c'est et on cherche encore. Et je ne sais pas s'il y a des, est-ce qu'il y aura des moyens. Parce que c'est tout le problème, c'est-à-dire qu'en gros, ces objets-là ne réagissent pas à trop ou pas du tout avec les photons. Mais c'est Du pour ça coup, que je comme posais les la réactions, ouais, question. voilà, c'est qu'on les voit pas. Du coup, est-ce qu'on sera condamné à ne voir que des effets indirects de ça? Bah, c'est pas du tout impossible. Mais Ok. enfin, c'est pas dans physique des particules, ça fait longtemps qu'ils utilisent des effets. Enfin, je veux dire comment on appelle ça, une particule de Higgs, le boson de Higgs ne réagit pas avec. Enfin, on l'a pas vu. On voit juste un effet très indirect, donc c'est pas gênant de. Enfin, ça vaut quand même détection si tu as une détection indirecte. Non, en fait, moi, c'est pas le fait que ce soit indirect qui me gêne, c'est beaucoup plus le côté fourre-tout, en fait, de la chose. C'est qu'à partir du moment où on dit on a un total, on connaît un truc dedans et on soustrait le reste, on appelle ça matière noire, on voit bien qu'il y a quelque chose, c'est là où je te dis il y a de la masse, mais ce qui m'embête un peu, c'est que c'est à ce côté fourre-tout. C'est-à-dire que cette masse, tu peux aussi bien avoir un trou noir qu'avoir une naine brune, qu'avoir des cailloux un peu répartis, ça peut être plein de choses très très variées, en fait, finalement. Je crois qu'on a fini par exclure que c'est pas de la matière, donc c'est pas des trous noirs. Et dans la matière, je compte les trous noirs. D'accord. C'est pas des trous noirs, c'est pas des cailloux, c'est pas des étoiles. Ah oui, donc c'est pire que ce que je pensais, c'est qu'on sait pas du tout ce que c'est, en fait. On sait pas ce que Parce c'est, qu'il oui. reste quoi quand t'as plus qu'à enlever tout ça? Il reste de l'énergie, quoi. Alors, donc c'est voilà, donc Pascal nous a mis dans la chatroom, c'est les machos dont je voulais parler. Et les machos, c'est toutes ces étoiles, c'est la matière qu'on voit pas, la macho. C'est les étoiles très faiblement lumineuses, c'est des cailloux, c'est des trucs comme ça. C'est des trucs qui émettent et interagissent avec la lumière, mais très faiblement, et du coup, bah, toi, tu les vois pas d'ici. Donc, on sait que c'est pas ça, normalement. Parce qu'on les a calculés. Tous ceux qu'on a pu voir, on les a placés. Et donc, on a déduit ce qu'on voyait nous, on a déduit, donc on a étendu ça à toute la galaxie, on a déduit qu'il n'y en avait pas assez pour que ce soit ça. Et l'autre truc, donc, ça serait les WIMP, donc Weakly Interactive Particles, donc les trucs qui interagissent très faiblement avec la lumière, mais je crois que ce n'est pas encore très très bien défini théoriquement pour le moment, mais j'en suis pas sûr. Faudrait faire un vrai épisode en fait sur la matière noire. Et il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce que c'est quelque chose qu'on a juste mis pour combler un trou? Alors, je ne sais pas exactement quelle est la question. Est-ce que ça existe? Est-ce que Est-ce que ça c'est existe, limite? hein, tout bêtement, je crois, Ouais, la voilà. question. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est une limite théorique? On peut se poser la même question pour l'énergie noire. Est-ce que c'est juste un bouche-trou théorique au fait que la relativité ne marche pas? On n'est pas du tout aux mêmes échelles, hein. L'énergie noire, c'est à l'échelle de l'univers. Matière noire, c'est à l'échelle des galaxies. Donc il y a un rapport 1 million entre les deux. C'est pas du tout la même chose, mais est-ce que on peut se poser la même question pour les deux? Est-ce que c'est un bouche-trou théorique parce que notre théorie marche pas à certaines échelles? Je pense pas, ni pour l'un ni pour l'autre, mais on sort un peu de mes compétences. Ok. Bon, de toute façon, je crois que Pascal a fixé une date dans la chatroom pour ton dossier sur la matière noire. D'accord. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on va conclure si on n'a pas d'autres questions, vu que tu as fait la côte. On va peut-être parler très rapidement du... Il y avait juste une remarque de Pouillot qui était triste que les photons soient perdus. Il voulait qu'ils reviennent, il voulait un happy end. Mais bon, je ne sais pas si... Bah tiens, tu tombes bien, Robin, parce que tu vas peut-être nous faire un pitch sur ton dossier de la semaine prochaine, sur les nœuds. Ah oui, alors j'en avais enregistré un, parce que je n'avais pas prévu d'être là. Il est dans le... Tu peux le... Si tu veux, donc tant qu'à faire, je pense faire que... En direct, attends. Je peux le faire en direct. J'essaie de retrouver mes... Non, j'essaie pas de retrouver mes notes, ça sert à rien les notes, c'est ça? D'accord, ok, bon bah d'accord. Il va être moins bien que celui que j'avais enregistré. Hein. Ok, quand tu veux, je retrouve pas mes notes. C'est quand tu veux toi, on attend que ça. Ah, ça y est, on est parti, on fait l'annonce. En fait, on est en direct, là, je sais pas si t'es au courant. D'accord, non, mais je sais pas, je me demandais si tu voulais pas faire autre chose avant. Non, non. Ok. Et avec un peu de chance, on enregistre même. Mais. Avec un peu je de chance. Je vous mets prise. Non, mais si, il y a quelqu'un qui fait un enregistrement de secours, c'est bon. Non, c'est le mardi. Ah, pardon. Bien donc. La semaine prochaine, c'est ça qu'il faut que je dise? Ouais. La semaine prochaine. La semaine prochaine, on est le 1er décembre, tu sais? On est le 1er décembre, tout à fait. Donc, ça va être très très dur. Vous êtes sûr que vous voulez pas passer le truc que j'ai prévu? Mais je peux passer le truc si tu veux. La semaine prochaine, alors ça fait très longtemps que je me retiens dans ma rubrique ratage de ne pas parler du début de la théorie des nœuds. Et je me retiens parce que j'ai pas envie de rater ça, j'ai pas envie de le bâcler parce que c'est une très belle histoire. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'en fait, la théorie des nœuds en elle-même, c'est une théorie qui est très très belle, sur laquelle il y a beaucoup beaucoup de choses à raconter, qui est probablement un petit peu compliqué à présenter à la radio, parce que sans image, voilà. Mais enfin, vu que j'ai fait la cristallographie et que les gens n'ont pas eu l'air si mécontents que ça, je me dis qu'il faut se lancer. Donc, la théorie des nœuds, avec, si je comprends ça d'ici là, quelques mots sur une chose que je ne comprends absolument pas actuellement, qui s'appelle les nœuds sauvages, mais qui a l'air d'enthousiasmer les mathématiciens. Et puis voilà, ça permettra de répondre à des questions tout à fait essentielles, la théorie des nœuds, hein, par exemple combien il y a de nœuds de cravate ou ce genre de choses. Et puis ça permettra aussi de poser l'éternelle question que je me pose à chaque fois que j'en entends parler, est-ce qu'il y a au moins une fois dans sa vie où Lord Kelvin ne s'est pas planté? C'est un peu comme Aristote, quoi. C'est un peu comme Aristote. À chaque fois que j'entends parler de Lord Kelvin, c'est pour dire qu'il s'est planté. Bah, il y a au moins avec la température qu'il s'est pas planté, non? Bah, il a laissé son nom, après, je ne sais pas ce qu'il a raconté sur la température. Ok, bah, bon programme en tout cas, on est bien impatients d'en savoir plus sur les nœuds, depuis le temps que t'en parles. Oui, donc c'est l'occasion quand même de rappeler, hein, pour ceux qui écoutent en direct là, parce que du coup je pense que quand ça sera diffusé, ce sera trop tard, que le 21 et le 22 novembre prochain, au Palais de la Découverte, on fait un week-end spécial Théorie des Nœuds, il y aura un stand avec plein de manips autour des nœuds, etc., etc., il y aura plein de choses sympas, ce sera toute la journée, samedi, dimanche, et donc je serai là, et ça sera chouette. Ok, super. On a prévu plein de trucs pour vous retourner le cerveau, mais vous inquiétez pas, nous-mêmes, on se retourne le cerveau, parce que c'est dur pour tout le monde, les nœuds, en fait. Le message est passé. On conclut, du coup, les amis? Allez. Eh bien, pour conclure, maintenant, vous savez où on est dans l'univers, et vous avez vu que ça donne un peu le tournis, quoi. On remercie un peu toutes les personnes qui étaient là, donc Pouillot qui nous a fait des dessins, Live Mapping qui nous a fait un live map, la chatroom qui était toujours plus présente... Johan pour son dossier. On se retrouve la semaine prochaine pour parler donc de nœuds avec Robin, chic. Et d'ici là, bah, propagez la bonne parole, expliquez à tout le monde où nous sommes réellement dans l'univers. Vous pouvez faire ça sur Facebook, Twitter, SoundCloud, podcastscience.fm. Envoyez-nous des messages plus sympathiques les uns que les autres, plus étranges. On cherche toujours à traduire le message à base de coups sur une table, mais on va y arriver un de ces quatre. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de nœuds comme je disais, et d'ici là, que servir la science soit votre joie.